Merci. Et voici pour les... Foutez le bordel, s'il vous plaît. Il ah, y en a deux, trois qui s'agitaient, mais font plus, quoi. Ouais, plus de pogo, bordel. Bravo, Cécile, quand même. Merci. Non, les Goofman! Elrond, Boron, M, Ronald! Faut pas être hypocrite! Ouais! Aïe, aïe, aïe! Tout le monde à McDonald's! Aïe, aïe, aïe! Les membres de PO! Aïe, aïe, aïe! Faut pas être facho! Aïe, aïe, aïe! Tout le monde est McDo! Pas chaque steak, le Big Mac, le Big Mac, le Big Mac, ouais, c'est la frite! Ouais! Tout le monde est McDo! Aïe, aïe, aïe! Faut pas être facho! Tout le monde a le bateau! Aïe!